19h15, activation orale, l'heure. Observez l'horaire des trains Paris-Chartres ci-dessous. Et dites à quelle heure il y a un train pour Chartres. Utilisez le langage précis des horaires. Vérifiez vos réponses avec l'enregistrement. Le train 6511 part de Paris à 6h26. Et le 6519 à 8h28. Le 6523 à 9h37. Le 6531 13h58. Le 3633 à 17h10. Le 3645 19h34. Le 6573. Il part à 22h43. Le 6577. 0h01. Le 6579. 0h51.